de neige. Encore ivre de la nuit, je me lève. Nos âmes éperdues en cortège le temps n'existe plus dans nos rêves. Nous ne sommes que des hommes alchimistes de lumière. Nous ne sommes qu'en somme des créateurs de rêves. Nous ne sommes que des hommes, nés de folie et de fièvre. Nous ne sommes qu'en somme les esclaves de la merveille.